près d'une gouttière de matou, dans une mansarde on a pour tout, à mon Parnasse, que je suis venu au monde sur les toits, et que j'ai pour la première fois ouvert les chances. Mes pères et mères, des chars comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup, sucer de la glace. À l'heure des repas dans notre garnot, me laissait souvent sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. À l'âge où tous les autres marmots, à l'école vont peupler le cerveau de bonne grammaire, avec un tas de mauvais loupiaux, dans les coins on allait jouer au père et à la mère. Bien sûr, ces petits jeux innocents ne développent pas précisément les bonnes manières. À 15 ans, droite sur mes ergots, j'allumais tous les gigolos, l'œil effronté comme un moineau. Le premier qu'a voulu m'avait reçu pour me posséder n'a pas eu affaire de siège. Il n'a eu qu'à m'ouvrir les bras et mon amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, mon cœur au contraire était lui, pur comme la neige. Nous éveillons sous les bécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme de moineaux. Il me plaqua, a-t-il eu tort, je me suis consolée d'un sort qui est le nôtre. Avec un petit gant dessalé, il lui, pour ne pas travailler, vendit à d'autres. On s'accoutume à ne plus voir la poussière grise du trottoir où l'on se vaudre. Chaque soir sur le pavé parigot, on cherche son pas dans le ruisseau, le cœur joyeux comme des moineaux. L'hiver viendra et mon seul vignin, ce pauvre corps, je le sens bien, déjà se lasse, tombera sur le pavé brutal. Je pensais sur un lit d'hôpital, un soir d'angoisse. Pas plus mauvaise que beaucoup, j'aurais préféré malgré tout, au lieu d'un poisse, un homme qui m'eût aimé d'amour, pour avec lui finir mes jours, dans un nichot, comme un moineau.